إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Toute la bataille a duré quelques instants. Il n'a pas duré longtemps. Bref, deux heures. Il n'a pas duré des jours, il n'a pas duré. Et là, il y avait un homme qui s'appelle Khabbat ibn al-Ashan. Lui, il participait. Lui, il est neutre. Il ne participait pas à la bataille. Il a monté dans un monticule et il regardait l'événement. Il regardait, un spectateur. Il regardait ce qui s'est passé. Il regardait. Au début, il a dit, avec leur petit nombre, ils vont pas battre les Quraysh. Et puis, en quelques instants, les autres ont pris la fuite, ils ont laissé leurs chameaux, ils ont laissé leurs épées, leurs armures. Il a dit, par Allah, qu'est-ce qui se passe? Il fut étonné. Il regarde. Ils ont fui Mohammed. C'était pareil que des femmes, c'était pas des hommes. Il s'est dit comme ça, dans sa tête, il s'est dit, c'est des femmes, c'est pas des hommes, hein, ceux-là. Et puis plus tard, c'est-à-dire le jour de l'Hudaybiyah, l'année 6 de l'Hijr, Khabbat ibn al-Ashan, il alla voir le prophète sallam. Et le prophète sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as dit le jour de Badr? Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Il a dit, ne te rappelles-tu pas? Tu t'es dit qu'ils ont fui Mohammed comme des femmes. Il a dit, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad al-Rasulullah, wallahi, wa envoyé d'Allah, je n'ai jamais dit ceci à une personne. J'ai dit seulement je l'ai dit à moi-même. Ça veut dire, c'est un signe de prophétie du professeur Rasulullah. Il a dit quelque chose que même lui, il n'a pas divulgué ça, il l'a dit lui-même. Parmi les prisonniers, là, ils ont pris des prisonniers, la bataille fut terminée, et parmi les prisonniers, il y avait l'Abbas, Ibn Abd al-Muttalib. Et l'Abbas, il est grand et corpulent. Et le compagnon qu'il a emprisonné, il est maigre et petit. Et les compagnons s'étonnèrent, ils ont dit, comment ça se fait que toi, tu emprisonnes l'Abbas? Et puis ils ont demandé à l'Abbas, et puis l'Abbas lui a dit, c'est un homme, il y avait un homme derrière lui, grand, et tout, qui me fait peur. Et puis le compagnon est venu voir le professeur Salam, il a dit, je l'ai emprisonné, c'est moi qui l'ai emprisonné. Il a dit, non, c'est un ange qui t'a soutenu. Même les anges, ils ont soutenu le compagnon quand ils ont pris les prisonniers. Pour soutenir les compagnons, radiallahu anhum. Puis le professeur sallam, il donna un ordre. Ça, c'est après trois jours. Après trois jours, il donna un ordre. C'est quel ordre? C'est de traîner les cadavres des têtes de la mécréance dans un puits perdu plein d'impuretés. Il les traîne comme ça, il les jette dans le puits, dans un puits perdu. Tous les cadavres, les 24, enfin les notables de la Mecque, les notables de Quraysh. Les compagnons ont traîné ces cadavres et les ont jetés. Omeyyah ibn Khalaf, quand il est mort, il a gonflé, il a doublé de taille. Et quand ils ont voulu le traîner, son corps commença à se déchiqueter, subhanallah. Ils n'ont pas réussi à le jeter dans le puits perdu de Badr. Et ils ont jeté sur lui la pierre et l'ont couvert de pierre, comme ça, sur la terre. Il n'a même pas été enterré. La'natullahi alayhi. Le professeur Salam, le troisième jour, il s'arrêta à la bordure du puits et appela. Oh, Utba ibn Rabi'a, ya Walid ibn Utba, ya Abu al-Bukhari ibn Hisham, oh tel fils de tel, oh tel fils de tel. Il commença à les appeler alors qu'ils sont morts. Il a dit, êtes-vous content d'avoir désobéi à Allah et à son prophète? Nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre Seigneur, véritable. Nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre Seigneur, véritable. Et vous, avez-vous trouvé ce dont votre Seigneur vous avait menacé véritable? Et Omar s'est étonné. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'appeler des cadavres? Il a dit, envoyé d'Allah, t'adresses-tu à des corps sans âme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il a dit, par celui qui détient mon âme, vous n'entendez pas mieux que ce que je leur dis. Mais ils ne peuvent pas répondre. Qatada, l'un des tabi'in, il a rapporté le hadith, il a dit, Allah les a ressuscités et leur a fait entendre ces paroles pour qu'ils reçoivent blâme, humiliation, sanction, soupir sur eux-mêmes et regret. Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait revivre jusqu'à ce qu'ils entendent ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, êtes-vous content? Êtes-vous content d'avoir désobéi à Allah et son prophète? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a ressuscités jusqu'à entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les morts à l'origine, ils n'entendent pas. Les morts à l'origine, ils n'entendent pas. C'était un cas particulier. À l'origine, le mort, il n'entend pas l'appel du vivant. D'accord? Sauf dans des cas particuliers. Quand on enterre la personne et quand, avant que les anges ne viennent, il entend les pas, le bruit que font ceux qui se détournent de lui après l'avoir enterré. Donc ça, c'est un cas particulier. Et ce cas-là, c'est un cas particulier. D'accord? Sinon, à l'origine, ils n'entendent pas. D'accord? C'est pour ça que Omar ibn Khattab, il a dit, comment tu t'adresses à des corps sans âme? Parce que les compagnons qui sont des savants, et surtout Omar ibn Khattab, ils savaient que la règle, c'est que le mort, il n'entend pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé ceci, il a dit, maintenant, parce que dans une autre version, il a dit, ils sont en train de m'écouter maintenant. Donc c'était un intervalle de temps bien précis. En dehors de cet intervalle de temps, le mort n'entend pas. Je dis ça et j'insiste. Aïcha radiallahu anha, quand on lui a rapporté ce hadith, il a dit, les morts ils n'entendent pas, et il a sorti comme preuve, tu ne peux faire entendre aux morts. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ الْمَوْتَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ الْمَوْتَ فِي الْقُبُورِ. Il y a le verset dans Surat Fatar et dans Surat Ar-Rum. Il y a des versets sur ça, que les morts n'entendent pas. J'insiste là-dessus, pourquoi? Pour barrer la voix des calomniateurs et de ceux qui propagent les ambiguïtés, parce qu'ils sortent cette preuve de Mawta Khalid Badr, les morts du puits de Badr, ils disent voilà, c'est une preuve que les morts ils entendent le vivant. D'accord? Et ils débattent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il veut te pousser après, il veut te pousser vers où? Il veut te pousser vers Shirk. Il va te dire, bon, tu peux appeler Cheikh Al-Fulani, tu peux appeler le Wali dans sa tombe, tu t'esprits contre sa tombe et tu l'appelles, puisque les morts du puits de Badr, ils entendent les vivants. Mais ça, c'est un cas particulier. D'accord? ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. C'est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, ce que vous invoquez en dehors de lui ne possède même pas une pellicule de noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent même pas votre appel. L'entendraient-ils qu'ils ne pourraient l'exaucer? Au jour de la résurrection, ils renieront d'avoir été vos associés. Nul t'en avertira comme celui qui est le plus savant. C'est clair et net. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre appel. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Et si même s'ils entendent, ils ne peuvent pas exaucer votre vœu ou votre appel. Et le jour de la résurrection, ils renieront votre shirk, votre association. D'accord? Il y a une autre ambiguïté. C'est qu'ils disent, par exemple, quand on rentre dans un cimetière et qu'on dit salam alaikum, normalement, les hôtes de la tombe, ils écoutent. Parce que quand on dit salam alaikum, normalement, il doit y avoir quelqu'un qui nous répond. On ne peut pas dire salam alaikum à quelqu'un qui ne répond pas. Non, mais ça, c'est une ambiguïté. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, pendant qu'il était vivant, quand il était l'imam et les compagnons derrière lui, quand il faisait tashahhud, il disait quoi? السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Salut sur toi, envoyé d'Allah. Mais ça veut dire qu'il écoute, qu'il entend ce qu'ils disent. Il n'entend pas ce qu'ils disent. En dehors de la mosquée, dans une autre mosquée, ceux qui sont en Abyssinie, quand ils disent dans Tashahoud, Assalamu alayka ayyuha nabi, salut sur toi, ô envoyé d'Allah, il entend ? Il n'entend pas ce qu'ils disent. S'il n'entend pas ce qu'ils disent durant son vivant, il n'entend pas dans l'au-delà. D'accord ? Quand on fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les anges qui lui transmettent. La tattakhidu qabri ida, wa la tattakhidu buyutakum maqabir, wa sallu alayya, fa inna salatakum. Ne prenez pas vos tombes comme lieu de ne prenez pas ma tombe comme lieu de retraite et ne prenez pas vos maisons comme des tombes et faites salat, invoquez la prière d'Allah sur moi parce que votre invocation elle m'est transmise, c'est pas elle me parvient directement, elle m'est transmise par qui? Par les anges, malaïka. D'accord? Parce qu'à moi, à mort, tu dis, il entend l'appel du vivant, le vivant qui est à côté de la tombe, il l'appelle, celui qui est loin, il l'appelle, donc il est. En même temps, il peut discerner entre les. Ça veut dire là, si ce mort-là, il atteint le degré où il entend les appels des vivants, ça veut dire que tu lui donnes l'attribut d'Allah. Parce que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, qui entend en même temps la parole de toutes ces créatures. D'accord? Tu l'as égalé avec Allah, subhanahu wa ta'ala, tu tombes dans l'association. Donc c'est une ambiguïté. C'est une ambiguïté qui est propagée par certaines Ahl Bida. Les têtes du kufr, les têtes de la mécréance, d'un seul coup, jetées dans un puits. Subhanallah. Ce jour-là, c'est pour ça que Badr, il a une grande importance. Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an, le jour du discernement entre le fait, le faux et le vrai. D'un coup, 70 des notables tués. D'un seul coup. Là, le premier à arriver à la Mecque, pour donner la mauvaise nouvelle, fut Al-Haythuman ibn Abdillah al-Khuzai. Al-Haythuman, quand il arriva à la Mecque, ils lui ont dit, qu'as-tu à nous apprendre? Et lui, du moment qu'il est rentré à la Mecque, il s'écria, قتل أبو البختري بن إشعيت تي عتبة عيت تي الوليد عيت تي أبو البختري بن هشام عيت تي أمي بن خلف عيت تي في كوي باس كيل ديزي سيبا بسيب سيبا إلا بردو لا غيزون في صفوان بن أمية لفس دو أمية بن خلف إلا تي أسي دون الحجر أكوتي دو الكعبة إلا دي نو إلا بردو لا غيزون ديت لوي كيسكي لوني بور صفوان بن أمية بور ما Et il commençait à lui poser la question. Telle personne, il a dit, telle personne a été tuée. Et Safwan ibn Umayya? Safwan ibn Umayya, il est là-bas, il est assis à côté de la Kaaba. Il aura répondu. Par contre, j'ai été témoin de la mort de son fils et la mort de son frère et la mort de son père. Puis après, les gens commençaient à rentrer à la Mecque et l'information commença à se propager. Il y avait une vive agitation à la Mecque. Tout le monde fut ébranlé par cette défaite. Toute la cité. Abu Sufyan, c'est lui maintenant qui détient le pouvoir, qui détient le commandement. Abu Jahl, terminé. Umayya ibn Khalaf, terminé. Utba ibn Abi Rabi'a, terminé. C'est maintenant lui qui détient le pouvoir sur la cité. Abu Sufyan, un de ses fils a été tué. Il a dit, personne ne pleure. Personne ne se lamente. Comme ça, les compagnons du prophète vont se réjouir si le bruit court, qu'on manifeste notre chagrin. Personne ne pleure. Et personne ne rachète ses prisonniers. Décision sévère. Vous savez, quand la personne ne pleure pas, il décharge pas ce qu'il y a dans son cœur, il risque d'exploser, il risque de la haine, il alimente son cœur. C'est dur pour la personne de ne pas pleurer, c'est dur. Et puis, il a fait cette décision. Et alors là, Abu Lahab, quand il a appris la défaite, Abu Lahab, l'un des plus grands ennemis de l'islam et le plus grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été courant que les Quraysh ont été mis en déroute, il alla voir directement Umm al-Fadl, son frère, l'Abbas. L'Abbas, il a participé au combat. il fut emprisonné. Il alla voir la femme de son frère, Umm al-Fadl. Il a couru chez elle, et puis Umm al-Fadl, elle était avec quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui racontait ce qui s'est passé. Il racontait ce qui s'est passé à Badr, puis il lui a dit, oui, il s'est assis à côté de Umm al-Fadl, et il commence à entendre ce que disait la personne qui fit le récit de la bataille à Umm al-Fadl. Elle dit, nous avons rencontré l'ennemi, nous lui avons tourné le dos, il nous a mis en déroute, il a fait des prisonniers, etc. Il a dit, pourtant je ne puis jeter le blâme sur aucun de nous, car nous n'avons pas en face de nous nos seuls adversaires, mais également des hommes habillés en blanc. Des hommes habillés en blanc montés sur des chevaux et qui galopaient entre le ciel et la terre. Là, il y avait Rafi'. Rafi', c'était un affranchi. C'était avant un esclave de l'Abbas. Et puis l'Abbas l'a libéré. Puis il est resté chez Umm al-Fadl et chez l'Abbas. Lui, qu'est-ce qu'il a Abu Rafi', lui, il s'est converti. Il a embrassé l'islam, mais il ne divulguait pas sa croyance. C'est-à-dire, il cachait. Parce qu'il n'avait pas la force de divulguer. Là, quand il a entendu, il n'a pas pu cacher sa joie. Il entend les récits, les musulmans, ils ont battu les koufars, etc. Et quand il a entendu dire qu'il y avait des gens habillés en blanc, etc., qui descendent du ciel, il s'écria, triomphant, il s'écria, c'est des anges. A-t-il kalmalaika? Et lui, qu'est-ce qu'il était en train, Abu Lahab était derrière lui, il était en train de fabriquer des flèches, et il entend. Et puis quand il a dit, c'est les anges, déjà Abu Lahab, avec les remords et tout, il a dit, il a pris l'esclave, il l'a mis par terre. Il a pris Abu Rafi', il l'a mis par terre. Il le roua du cou et au moins le fait de l'essayer de le sortir, de sortir Abu Rafi', de le protéger. Il n'a pas réussi. Abu Lahab est corpulent, il est gros, puis il s'est agenouillé sur Abu Rafi' et commence à le rouer du cou. Au moins le fait de Il a dit, lâche-le, il n'a pas réussi à le défendre. Et il a trouvé un pieu qui servait pour la tente, un grand un pieu qui servait de pilier ou pour la tente. Et il a donné un coup à Abu Lahab. Il lui coupa, il lui blessa, il lui a saigné un coup qui commença à saigner. Et Abu Lahab, terrassé par ce coup, il rentra directement chez lui. Umm al-Fadl, quand il a frappé, il a dit, c'est parce que son maître n'est pas là, parce qu'il est faible, que tu as profité de l'occasion, que tu frappais notre affranchi. Abu Lahab rentra chez lui, terrassé par le coup, terrassé par les remords de la défaite, et pire encore, il a été touché par une maladie de peau. C'était des pustules purulentes sur sa peau. Et sa santé commença à s'aggraver, jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort dans un état lamentable, en plus atteint d'une maladie contagieuse. Tous ses proches, tout le monde s'éloignait de lui. 3 jours, il est resté chez lui. Jusqu'à ce que les gens commencèrent à reprocher à ses enfants, ils ont dit, il faut enterrer votre père. Ils ont dit, non, on a peur d'être contaminé. Ils ont dit, non, mais quand même, il faut l'enterrer. Et de loin, ils prenaient des seaux et ils jetaient l'eau sur lui. Et ils ont pris de la pierre, ils l'ont couvert, ils n'ont même pas enterré, subhanallah. Ils jetaient la pierre de loin, comment il est mort humilié. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab, wa mra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min mashad. Il fut tué, je crois 10 jours après Badr. 10 jours après Badr, il fut mort 10 jours après, il décéda 10 jours après Badr. Là, quand les compagnons ont pris des captifs, des prisonniers, que Omar ibn Khattab, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, il dévisagea les prisonniers, et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, c'est Suhail ibn Amr, la tête de la mécréance. Le grand orateur, c'est un grand orateur, à l'image des journalistes qui écrivent des livres et des articles pour attaquer l'islam. C'était la même chose. Mais c'était à son époque un orateur, il réunissait les gens, il insultait le prophète. Il a dit, laisse-moi lui couper la tête. Il a dit, non, laisse-le, Omar ibn Khattab. Il a dit, dans ce cas, laisse-moi lui enlever ses dents. Au moins qu'il perde son éloquence. Il a dit, non, laisse-le, Omar, laisse-le. Peut-être qu'il va changer et qu'il va être dans une situation où il va se montrer comme un vrai homme et il va se montrer comme un vrai musulman. D'accord ? Il lui a dit ceci. Il a dit peut-être qu'un jour qu'il montrera une chose qui méritera la contemplation. Et c'était vrai parce qu'après, c'était déjà Souhayl ibn Amr qui a participé au pacte de Hudaybiyah, la trêve, on va en parler dans l'année 6 de l'Hijr, si on est vivant, inshallah. Et c'est lui qui a participé quand les Arabes ont apostasié leur religion à l'époque du Khalifa Abu Bakr radiallahu anhu. Après la mort du Prophète sallam, il y avait des Arabes qui ont apostasié, Harub al-Ridda. Et lui, c'est lui qui a raffermi la Mecque, la cité. Il y avait des Arabes de la Mecque qui ont voulu apostasier leur religion. Et c'est lui qui s'est tenu devant eux comme un vrai homme. Il a dit non, retournez à Allah, retournez au Prophète sallam, ne changez pas votre religion. Donc, ça s'est réalisé ce qu'a dit le Prophète sallam à Omar radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il envoya ses compagnons pour donner la bonne nouvelle à Médine. Il envoya qui? Il envoya Abdullah ibn Abi Rawaha, et il envoya également Zayd ibn Haritha, Hibbur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha. Et alors, ils rentrèrent, ils étaient sur la chamelle, ils montaient la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dès qu'ils rentrèrent à Médine, ils commencèrent à s'écrier. Abu Jahl, fuyez, telle personne, fuyez. La façon qu'ils annonçaient, c'est bizarre. Parce que les Médinois, ils ne s'attendaient pas à ceci. Les Médinois, ils n'étaient pas au courant du combat. Les gens de Médine, tout ce qu'ils savaient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercepter La caravane de Abu Sufyan. Mais comment se fait-il qu'il y ait un combat et Abu Jahl? Qu'est-ce qui a ramené Abu Jahl? De la mettre jusque... Et Abdullah ibn Rawaha et Zayd, il s'est crié Abu Jahl a été tué. Les enfants, quand ils ont entendu ceci, commencent à chanter. Abu Jahl, l'ignoble a été tué, Abu Jahl, dans les rues de Médine. Commencent à s'écrier. Et puis, les mécréants, les hypocrites, parce que là, maintenant... D'autres ennemis se dressent. Il y a les juifs, il y a les mécréants, les juifs, les hypocrites commencent à se dresser contre le... Ils ont dit, ce n'est pas possible. Comment ça se fait? Comment tous ces notables soient tués en... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le prophète, c'est Mohammed qui a été tué. Et la preuve, c'est qu'ils ont ramené sa chamelle. Et commencèrent à propager cette rumeur. Ils ont dit que peut-être Abdullah ibn Rawaha et Zayd, ils disaient ceci pour calmer l'atmosphère et pour qu'il n'y ait pas d'agitation, pour que la cité ne soit pas ébranlée. Donc ils ont menti. Ils commencèrent à propager ceci. L'un des hypocrites, il alla voir un des musulmans véridiques. Il lui dit, il lui a raconté ceci. Il lui a dit, par Allah, si vraiment tu t'arrêtes pas de propager cette rumeur, je dirai tout. J'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna l'ordre de ramasser le butin. Les compagnons qui sont restés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont proclamé leur part. Ceux qui ont ramassé, les ramasseurs du butin, ils ont dit nous aussi. Ceux qui ont poursuivi et qui ont combattu les mécréants, et il y avait un certain différent entre eux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non, ramenez-moi tout le butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin, dit le butin est à Allah et à son messager, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rétabli la concorde, rassemblé le butin, et puis après il fut révélé وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, c'est-à-dire le jour de Badr, discernement entre le vrai et le faux, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent. Allah ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint à Médine. Avant de revenir à Médine, c'est-à-dire à mi-chemin entre Badr et Médine, il appela parmi les prisonniers Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'un des têtes de mécréance, et il y avait aussi une autre personne, c'est celui qui propageait beaucoup de. À part Uqba ibn Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith, on a parlé de son histoire. C'est Nadr ibn al-Harith que les Quraysh ont engagé pour raconter des contes d'anciens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les versets, lui il venait, et puis il appelait les gens, les mêmes personnes, puis il leur dit, voilà, je vais vous raconter les contes d'anciens, des Perses, des Romains et tout. Et puis après il dit, par quoi Mohammed est meilleur orateur que moi? Lui, il récite des contes d'anciens que les gens écrivent pour lui, et moi aussi je fais pareil. C'est pour faire douter les gens. C'était... il veut jeter l'ambiguïté, c'est une guerre médiatique, si vous voulez, à l'image des guerres des journaux à notre époque. Donc, c'était lui qui poussait les gens à s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas écouter, les empêcher d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui que Ibn Abbas il rapporte qu'à cette reprise dans le Coran, à chaque fois qu'Allah il dit « إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » Si on leur récite nos versets, si on lui récite nos versets, il dit des contes d'anciens. Et ça, c'est répété chaque fois dans le Coran, et chaque fois que c'est révélé dans le Coran, c'est une réponse à Nadr ibn al-Harith. Bien sûr, le texte est général, il est général, mais la cause, c'était Nadr ibn al-Harith. Il a dit, celui-là, regardez ce qu'il a fait. Et puis, Asim ibn Thabit, radiyallahu anhu, il se leva et le décapita devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre personne, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, cette personne, regarde ce qu'il a fait, il a mis des tripes de chamel sur ma tête alors que je me prosternais, il a mis son pied sur mon cou, il a écrasé mon visage par terre, cette personne, ce qu'il a fait. Lève-toi, Ali. Ali se leva et on coupa la tête à Uqba ibn Abi Mu'ayt. Un des deux prisonniers épargnés. Puis il y avait 70 qu'il ramena à Médine. Là, il consulta les compagnons, il a dit, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Est-ce qu'on les tue, on les rançonne? Abu Bakr a dit, il faut qu'on soit indulgent, c'est nos proches, il faut qu'on soit indulgent avec eux, on accepte la rançon. Comme ça, on va se renforcer dans le djihad. Il y aura des combats après, comme ça, avec l'argent, on peut se renforcer, on peut acheter des épées, on peut des montures, etc. Omar ibn Khattab lui dit non. Non. Moi, je vois que chacun de nous ramène un proche de lui et le tue. Et tue son prisonnier. Chacun, le plus proche. Ali, il ramène Aqil. Hamza, il ramène telle personne. Moi, je ramène mon proche, celui-là, le plus proche parent de moi, et je le tue. Chacun de nous tous sont plus proches. Comme ça, les Quraysh seront une leçon que vraiment, on n'a pas de miséricorde envers eux. Que tout ce qui se détourne de la loi d'Allah, tous ceux qui se détournent de la voie de l'islam, il n'y a pas de pitié entre eux. Ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u baynahum. Ya ayyuhallazina... يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين fier contre les mécréants mais humble envers les croyants. أشداء على الكفار fier contre les kuffars et رحماء miséricordieux entre eux. Il y avait Rahma entre eux. Donc c'était ce qu'a proposé Omar radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi la vie de Abu Bakr et d'autres compagnons qu'on accepte la rançon. Il envoya à Quraysh de venir racheter leurs prisonniers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla le verset qui confirme la vie de Omar. Et il reprocha au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas tuer les prisonniers. Parce que c'est la première bataille. Après, quand tu as la force, quand tu as l'armée efficace, là tu peux être clément, tu peux donner. Mais quand tu es dans les premiers pas pour bâtir l'État islamique, il faut être sans pitié. Comme ça, c'est une vraie leçon. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, le butin, la rançon, tandis qu'Allah veut l'au-delà et Allah est puissant et sage. Jusqu'à ce que quand Omar rentra, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr en train de pleurer et il a dit, oh envoyé d'Allah, pourquoi vous pleurez? Donnez-moi la raison, comme ça je pleure avec vous et si je trouve pas de raison de pleurer, j'essaie de pleurer. Et on dit, Allah nous a reproché le fait d'accepter la rançon et Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés après les avoir reprochés. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. La reproche c'était ça. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurez touché pour ce que vous avez pris. Pour ce que vous avez pris de la rançon. Puis après Allah subhanahu wa ta'ala les excusa, il dit فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mangez donc de ce qui vous est, vous êtes échu en butin. Tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. En ramenant les captifs à Médine, le prophète sallam les répartit entre ses compagnons. Chaque groupe de compagnons prend un prisonnier, s'occupe d'un compagnon. Et il leur donna alors l'ordre de les traiter convenablement. Il a dit prenez soin d'eux. Et parmi les prisonniers, il y avait Abu al-Aziz ibn Umair, un prisonnier de Badr. Était sous la garde d'un Ansari, ce qui s'appelle Abu al-Yusr. Abu al-Aziz ibn Umair. Il était mécréant et il fut emprisonné. Et puis Mus'ab ibn Umair, il passa à côté de lui, puis il appela Abu al-Yusr. Abu al-Aziz ibn Umair ligotait comme ça, il regardait, et puis Mus'ab ibn Umair a dit soit exigeant de sa rançon, sa mère dispose de beaucoup de biens. Et est capable de le racheter chèrement. La mère de celui-là, il peut le racheter. Sois exigeant dans sa rançon. Elle est riche, sa mère. C'est qui Mus'ab ibn Umair? C'est le frère de Abu al-Aziz, c'est son frère. C'est son frère, il a dit sois exigeant, c'est sa mère est riche. Il a dit c'est comme ça, Abu al-Aziz, il a dit c'est comme ça que tu dois te comporter avec ton frère. Il a dit tais-toi, c'est celui-là mon frère, pas toi. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin, il n'y a plus, ça y est, cette relation de parenté ne compte plus pour lui. N'a aucune signification. Ikhsa, inna hadha akhi dunak. Il a dit, celui-là, il est mon frère. Celui-là, il est mon frère en dehors de toi. Mais plus tard, je crois, dans des versions, Abu al-Aziz, il a embrassé l'islam. Comment ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment ils... Et les Quraysh... Beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas pu résister parce que Abu Sufyan, il a dit, pas de rançon. ils commencèrent à se rendre à Médine afin de négocier avec les musulmans la libération d'un ou de plusieurs de leurs parents. Là, chacun, il ramène la rançon et Abu Sufyan, quant à lui, il a refusé. Abu Sufyan, il a refusé, il a dit non. Il a dit, moi, je ne paie pas. Il a dit, je perds, devrais-je souffrir la double perte de mon fils et de mon argent? Parce que deux de ses fils ont participé à Badr. L'un d'eux a été tué et l'autre a été emprisonné. Il a dit, non, je perds pas. Je perds mon fils et je perds mon argent. Non. Qu'il le garde. C'est Abu Sufyan qui a... Mais Abu Sufyan, il a profité d'une occasion. Il a attendu qu'un musulman, un vieillard, il s'appelle Sa'd ibn Nu'man, et ce Sa'd ibn Nu'man, il s'est rendu plus tard à la Mecque pour faire le pèlerinage, ou l'Umra, soit le petit pèlerinage, soit le grand pèlerinage. Et pendant qu'il était à côté de la Kaaba, Abu Sufyan se jeta sur lui et l'a pris comme prisonnier. Là, les Quraishis, ils ont dit, lâche-le. Si les Arabes entendent dire que les Mécois emprisonnent les pèlerins, personne ne va venir. Il a dit, non, je ne le lâche pas, sauf s'il me donne mon fils. Je veux qu'il me rende mon fils, Sa'd ibn Nu'man. Et le prophète, sallam, il donna son consentement pour que l'échange ait lieu. Ah bon, j'ai oublié de parler d'Abu Jahl, parce qu'Abu Jahl, déjà, Abu Jahl, quand il a été touché par les deux fils de Afra, il n'est pas mort. Il est resté, mais il est resté encore vivant. Et puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherchez si Abu Jahl est encore... Est-ce qu'il a pris la fuite? Est-ce qu'il a... Cherchez-le. Ibn Mas'ud est allé le chercher. Il est allé le chercher et il l'a trouvé. Il trouva Abu Jahl entre la vie et la mort. Il trouva Abu Jahl entre la vie et la mort et s'approcha de lui. Il s'approcha de lui, puis Abu Jahl a dit, à qui le tour? À qui le tour? À qui appartient ce tour? À qui appartient cette victoire maintenant? Il veut dire que si on est vaincu cette fois, la prochaine fois, c'est nous qui vaincrons. Et puis, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, le tour appartient à Allah et à son prophète. Même, regarde, dans l'état, entre la vie et la mort, il insiste, il proteste, il a dit, là, d'ailleurs, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de plus grand honneur qu'un homme soit tué par sa propre tribu. Il parle de lui. Il dit, je n'ai pas été tué par mes ennemis, j'ai été tué par mes proches parents. C'est, regarde, la fierté, entre la vie et la mort, il dit ça. Et puis, Ibn Mas'ud s'approcha de lui, il metta son pied sur son cou. Il a dit, puis Abu Jahl le regarda, puis il a dit, c'est pas toi notre petit berger, notre berger? Il a dit oui. Il a dit, ah, t'as grimpé très haut, hein? Tu as grimpé très haut, petit berger de moutons. Comme ça, dans cet état, il dit ça. Parce que le fait qu'il a mis son pied, il a dit, tu as grimpé très haut et tu as atteint un rang assez périlleux, tu as atteint un sommet périlleux, si vous voulez. Et Ibn Mas'ud le prena par la tête, lui coupa sa tête. Et le ramena la tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le jeta comme ça. Il le jeta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me ramènes? Il a dit, c'est Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahu alladhi la ilaha illahu. قال والله الذي لا اله الا هو ابو جهل سلمي البروفيسور صلى الله عليه وسلم سي ريجوي بي سابروشا دي لي دي هذا فرعون وهذه الامه سلمي لا سي لو فرعون دو سيت كوميونيتي فرعون on a parlé des captifs, c'est ça? Que le professeur Salim a donné son consentement pour que l'échange soit fait. L'un des prisonniers qui était gardé à vue, si vous voulez, c'est Abu al-Asi. Abu al-Asi, c'est le mari de qui? Le mari de Zaynab, radiyallahu anha. Le mari de Zaynab. La fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Zaynab, elle a voulu racheter son mari. L'islam n'a pas encore interdit le mariage entre le successeur et une musulmane, ou entre les musulmans et les mouchriquins, allait à cette époque. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour payer la rançon de son mari? Elle envoya une somme d'argent, mais elle était insuffisante, mais avec cette somme d'argent, il a mis un collier. Le prophète sallam, quand il a vu l'argent, il a vu le collier, il fut très touché parce que c'était le collier qu'a donné Khadija radiallahu anha en présent à l'occasion du mariage de Zaynab avec Abu al-As. Et il a pleuré et il fut très touché. Puis il s'adressa aux compagnons. Il a dit, si vous jugez bon de libérer son mari captif et de lui restituer la rançon, il vous appartiendrait de le faire. Les compagnons ont dit, bien sûr, envoyé d'Allah. Et ils restituèrent l'argent et libérèrent Abu al-As. Abu al-As, il s'est converti après, mais ce n'est que plus tard. Zaynab, il a émigré il a réussi à émigrer de la Mecque à Médine. Et Abu al-As ne s'est converti qu'à l'année 8 de l'Hégire, plus tard. Et le prophète sallam n'annula pas l'acte de mariage. C'est-à-dire qu'il a gardé l'acte de mariage qui était à l'époque où Abu al-As était mécréant. D'accord? Il a embrassé l'islam et il a dit pour qu'il... Il a dit, j'ai pas voulu prononcer la shahada quand j'étais prisonnier, comme ça ils vont dire de moi que je suis rentré en islam par peur de Saif, de l'épée. Certains captifs, ils n'avaient personne pour les racheter, et le prophète sallam leur suggéra qu'ils pourraient se racheter s'ils enseignaient au fils des Ansar l'écriture. Ben, l'importance de l'écriture, l'importance de l'ilm, l'importance de la science. D'accord? L'importance de la science. Parmi ceux qui n'ont trouvé personne pour les racheter, Saifi ibn Abi Rifa'a, il a dit au professeur sallam qu'il a laissé l'argent à la Mecque et s'est engagé qu'une fois retourné chez lui, il donnerait la rançon il paierait la rançon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il aura une histoire, on va en parler plus tard. Également, Abu Azza, Amr ibn Abdillah, lui, il était pauvre, il était nécessiteux, il avait beaucoup de filles. Il avait beaucoup de filles, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le libéra sans condition. Il le libéra, et puis Abu Azza, Amr ibn Abdillah, il s'est engagé, il a dit, je ne vais plus te combattre. Si tu me libères, je ne vais plus te combattre. Mais plus tard, il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est fait prisonnier et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prochaine fois, je ne referai plus la même chose. Il a dit, la yuldaru al-mu'minu fil juhri marratayn. Le croyant ne se fait pas piquer dans le trou deux fois. Et il le condamna, il l'exécuta. Ça, c'est les grands événements de la bataille de Badr. Les anges, on sait qu'ils ont participé à cette bataille et qu'ils ont raffermi les compagnons. Al-Bukhari, rahmallah, il rapporte que Jibril, alayhi salam, il vient dire au prophète, sallallahu alayhi salam, hadith au Rifa'a ibn Rafi' al-Zurqi, radiallahu anhu. Jibril, il a dit, comment appréciez-vous les combattants de Badr parmi vous? Quel rang ont les combattants de Badr? Et le prophète, sallallahu alayhi salam, il a répondu, il a dit, parmi les meilleurs des musulmans. Et Jibril, il a dit, il en est ainsi de ceux qui ont participé à Badr parmi les anges. Parmi les meilleurs des anges, les meilleurs anges ont participé à Badr.